Chapitre 7e. Un jour, un magistrat d'Aix dut se rendre au tribunal de Digne pour un procès. Chez un confrère, au déjeuner, chacun évoqua la société qu'il fréquentait dans sa ville et raconta les potins du jour. C'est là que le magistrat apprit les débuts difficiles et humbles du couple Garcin, ainsi que le drame qui avait précédé leur union. De prime abord, cette affaire de meurtre était claire. Un suspect au lourd passé, un mobile évident, le vol et un témoignage précis. Mais à y regarder de plus près, je trouvais que la chose n'était pas si évidente. Les seules preuves étaient la présence du cadavre qui, d'après le témoin, avait été étranglé et les louis retrouvés plus tard dans les poches du suspect. Pourtant, le meurtrier avait l'habitude de suriner ses victimes et non de leur serrer la gargamelle. Le témoin, Hortense Meffre, précisa d'ailleurs que le suspect avait un long couteau pliant. De plus, la fille avait raconté la scène depuis l'arrivée de Barle. Pourquoi ne pas être intervenue, du moins dans les derniers instants, pour sauver son père? C'est vrai, ça. Un bon coup de fourche ou de tisonnier aurait pu sauver la victime. La peur l'aura-t-elle peut-être empêché de bouger? Mouais, maugréa le Dinois, peu convaincu. De surcroît, le rapport du légiste contredisait le témoignage de la fille. En tout cas, Barle, le coupable, se défendit comme il put. Son avocat, le jeune Lèbre, alors débutant, fut en dessous de tout. Barle clama son innocence jusque sur le pont du bateau pour Cayenne. La mauvaise mère et les gardes-chiourmes finirent par lui fermer le clapet. « Dans les campagnes, c'est souvent ainsi, » remarqua le magistrat aixois. « On a un mort sur les bras et on ne sait qu'en faire. Personne n'a rien vu, ne sait rien. Encore s'ils appellent ça l'omerta. » Alors, si quelqu'un a plus ou moins une gueule de coupable, il fait l'affaire. Pour les gendarmes, tout crime réclame son meurtrier. Sans vouloir médire, je trouve tout de même que leurs enquêtes sont souvent bâclées. Le confrère Dinois raconta aussi la belle ascension sociale que les garçons avaient entamée avec opiniâtreté, savoir-faire et habileté. Eh oui, au départ, ce n'étaient dans le fond que des paysans. Le magistrat revint à Aix. Il avait la bouche gonflée de cette information qu'il ruminait comme on suce un bonbon. Par déontologie, il ne parla pas tout de suite du procès. Mais il fit cadeau du reste à la société aixoise telle une friandise dont on se régala. Les réactions furent partagées. Les uns, minoritaires, pensèrent que ce couple de gens madrés n'était plus fréquentable. Les autres, au contraire, trouvèrent qu'ils avaient bien du mérite de réussir ainsi, et qu'ils devaient être cités comme des modèles de persévérance, de sagesse, d'économie et de travail. Le camp républicain fit de Garcin le symbole de la gloire au travail, tant prôné par cette idéologie. Il faut préciser également que seules deux personnes avaient eu à se plaindre de leur rapport avec Garcin, deux notaires, véreux, qui avaient été jetés à la porte avec fracas. À l'office, la discussion dura plusieurs jours sur le sujet. Et dire que je sers un paysan, vous vous rendez compte ? S'écriait César, le majordome. Tout de même, il aurait pu me le dire au moins une fois, lui qui me raconte tout. Et alors, ton père aussi était paysan ? Il faisait des asperges à Pertuis et n'a même pas été capable de te donner à manger, rétorqua le cocher. Le mien aussi était paysan, ajouta la bonne, et je suis bien contente de travailler chez les garçons au lieu de me casser les reins dans les champs. « Je connais la terre, moi, et je vous dis que pour y réussir, il faut se lever de bon matin. » Et comme d'habitude, ce fut la cuisinière qui conclut. « Pour moi, ce qui compte, c'est qu'ils nous payent toujours rubis sur l'ongle et que chaque année, ils nous augmentent. Vous en trouverez beaucoup des patrons comme ça, tiens. »